Chapitre 4. Aucune révélation nouvelle n'arrivèrent avec les maîtres de la maison. Aucune des suppositions ne se réalisa qu'avait pu faire naître l'annonce de leur retour. Il n'y avait pas à les presser de questions, au moins sur l'un des mobiles de leur voyage à Londres. Quel que fût, au reste, l'objet de ce voyage, ils semblaient l'avoir réalisé selon leur désir, car ils revenaient tous deux en parfaite possession de leur placidité habituelle. L'humeur de Mrs. Vanstone était redevenue aussi calme que jamais. L'imperturbable, l'indolente sérénité de Mr. Vanstone planait, comme à l'ordinaire, sur toute sa personne. Tel était l'unique résultat qu'on put assigner à leur voyage. Celui-là, et nul autre en vérité. La révolution domestique avait-elle donc si vite achevé son cours? Le secret, jusque-là impénétrable, devait-il rester toujours caché? Rien en ce monde ne demeure caché à jamais. L'or qui, durant des siècles, a dormi sous nos pieds sans que rien n'avertît de sa présence, se révèle un beau jour et vient affleurer le sol. Le sable perfide trahit l'empreinte du pied qui s'est posé sur lui. L'eau renvoie à sa surface le cadavre qu'elle a reçu dans ses plus secrètes profondeurs. Le feu lui-même, dans ses cendres, quelquefois indiscrètes, confesse la substance qui l'a dévorée. La haine, emprisonnée dans le cœur, se révèle par le regard. Et l'amour sait découvrir, sous le baiser de Judas, la trahison que masque ce baiser. De quelque côté que vous regardiez, vous verrez parmi les lois de la nature l'inévitable loi de révélation. Et la conservation durable d'un secret est un de ces miracles que le monde n'a pas encore vu se produire. Comment devait se trahir providentiellement le secret caché dans ce paisible intérieur de Combraven? Quel incident survenu dans l'existence quotidienne de ce père, de cette mère, de ses filles, servirait à manifester cette loi de révélation qui devait en amener la découverte inévitable? Invisible aux parents, n'éveillant chez les enfants aucune espèce de soupçon, la voie qui devait conduire à ce résultat s'ouvrit au premier événement qui suivit le retour de Mr. Vanstone, événement bien simple en lui-même et qui apparut de prime abord comme une de ces visites du matin auxquelles on n'attache aucune importance. Les maîtres de Combraven étaient revenus depuis 3 jours, et les membres de la famille se trouvaient réunis dans le petit salon, dont les fenêtres donnaient sur un parterre et une plantation d'arbrisseaux. Cette dernière était à ses confins, partagée par une palissade, et de la lande extérieure on y pénétrait par un guichet. L'attention des 3 dames se trouva tout à coup attirée sur cette petite porte où l'on venait d'entendre le bruit du loquet de fer retombant sur son anneau. Quelqu'un arrivant par la lande était entré dans la plantation, et Madeleine s'installa tout aussitôt à la croisée pour chercher à reconnaître, parmi les arbres, la figure du visiteur. Il s'était à peine écoulé quelques minutes lorsqu'on put distinguer la figure du gentleman qui, du sentier pratiqué à travers la plantation, mettait le pied sur les allées sablées du parterre. Magdalene le regardait avec attention et sembla ne pas le reconnaître tout d'abord. Mais, comme il se rapprochait, on la vit tressaillir de surprise, et se tournant vers sa mère et sa sœur, elle leur déclara que le gentleman en question n'était ni plus ni moins que M. Francis Clare. Le visiteur qu'on annonçait sous ce nom était le fils du plus ancien des associés de Mr. Vanstone, qui se trouvait en même temps son plus proche voisin de campagne. Mr. Clare, le père, habitait un petit cottage fort simplement bâti, juste au bout de cette palissade qui servait de limite aux plantations de Combraven. Appartenant à la branche cadette d'une famille fort ancienne, il n'avait reçu de ses ancêtres aucun autre héritage important que la possession d'une magnifique bibliothèque, dont les nombreux volumes non seulement tapissaient toutes les chambres de son modeste cottage, mais débordaient encore dans ses corridors et le long de ses escaliers. Les livres de Mr. Clare étaient ce qu'il y avait de plus essentiel dans la vie de Mr. Clare. Veuf depuis bien des années, il ne cachait à personne la résignation toute philosophique avec laquelle il supportait la perte de sa femme. En sa qualité de père, il regardait sa famille, composée de 3 fils, comme un de ces inconvénients domestiques auxquels il faut bien s'habituer, un vrai fléau sans cesse menaçant la sainteté de son cabinet de travail et la sécurité de ses chers bouquins. Lorsque les garçons partaient pour l'école, « Bonjour !» leur disait-il, et à lui-même, Dieu soit loué. Quant à son revenu modique, à son ménage plus modeste encore, il les envisageait au même point de vue, celui d'une satirique indifférence. Il s'était baptisé lui-même un gueux blasonné. La direction absolue de sa maison était confiée à une vieille servante, à condition qu'il ne la verrait jamais, d'un bout de l'année à l'autre, s'aventurer, plumeau en main, trop près de ses livres. Ses poètes favoris étaient Horace et Pope. Ses philosophes de prédilection étaient Hobbes et Voltaire. Il ne prenait qu'à regret un peu d'exercice en plein air et parcourait tous les jours exactement le même nombre de mètres, un ou deux près, sur le plus affreux chemin des environs. Il avait le dos voûté, l'humeur très vive, digérait les radis à merveille et dormait en dépit du thé vert. Il envisageait l'humaine nature comme eût fait Diogène tempéré par la Rochefoucauld. Sa personne était des moins soignées et il aimait à répéter avec orgueil qu'il avait survécu à tous les préjugés dont s'embarrasse le commun des hommes. Tel était ce singulier personnage, envisagé par ses côtés les plus en évidence, ses qualités un peu plus nobles, qu'il dissimulait peut-être au regard, n'avaient encore été devinées par personne. Mr. Vanstone, à la vérité, ne se faisait pas faute d'affirmer que chez Mr. Clare, comme pour les omnibus, l'impérial valait beaucoup moins que l'intérieur. Mais il était seul de son avis parmi les propriétaires du voisinage. L'association de ces deux hommes, si dissemblable à tous égards, avait pourtant duré pendant de longues années et avait pris un caractère qui lui méritait presque le nom d'amitié. Ils avaient contracté l'habitude de se rencontrer et de fumer tête à tête, certains jours de la semaine, dans le cabinet du philosophe cynique, où ils débattaient ensemble des omni rescibili, Mr. Vanstone brandissant ses affirmations comme il eût fait de sa canne, et Mr. Clare lui opposant les armes les mieux affilées de sa philosophie sophistique. Généralement, le soir, ils se séparaient brouillés, et dès le lendemain, se retrouvaient sur le terrain neutre de la plantation pour se réconcilier. Les liens étranges qui les unissaient ainsi se fortifiaient du côté de Mr. Vanstone par le cordial intérêt qu'il accordait aux trois fils de son voisin, intérêt d'autant plus précieux pour eux qu'entre autres préjugés auxquels leur père avait survécu, on pouvait compter le préjugé en vertu duquel un père s'aveugle sur ses enfants et les aime par-delà leur mérite. « Je vois ces jeunes drôles, » disait volontiers ce grand philosophe, d'un air parfaitement impartial, « en dehors de toute considération relative à cet accident de naissance, qui au fond n'a rien de très essentiel, et je les trouve, à tous égards, au-dessous de la moyenne. » La seule excuse valable pour un gentleman que le malheur condamne à vivre en plein XVIIIe siècle se tirerait de ses talents hors ligne. Mes garçons, dès leur naissance, ont eu la cervelle à peu près vide. Si je pouvais disposer en leur faveur de quelques mises de fonds, je ferais de Franck un boucher, un boulanger de Cécile et d'Arthur un épicier, car je ne connais guère d'autres professions qu'on soit bien assuré de voir sans cesse indispensables aux besoins de l'humanité. Par malheur, les capitaux me manquent, et leurs cerveaux ne paraissent guère propres à y suppléer. Ils m'apparaissent comme trois bipèdes inutiles, ornés de jaquettes malpropres et de bottines bruyantes, et je ne vois pas trop ce qu'on pourra faire d'eux s'ils n'ont l'heureuse idée de décharger la communauté en prenant la clé des champs. Par bonheur, pour les enfants en question, Mr. Vanstone portait encore le joug des préjugés, dont Mr. Clare s'était affranchi. Ses instances, son influence, firent entrer Frank, Cécile et Arthur à titre gratuit dans un bon collège. Il leur accordait libéralement, au jour de congé, le plein usage de son écurie, et en les admettant auprès de Mrs. Vanstone et auprès de ses filles, il avait fourni à ces jeunes gens l'occasion de se dégrossir, de se civiliser. Mr. Clare sortait alors de son cottage et venait de temps à autre par la lande, en robe de chambre et en pantoufles, jeter à travers les palissades un regard dépréciateur sur ses trois fils, absolument comme sur trois animaux sauvages que son voisin eût essayé de dompter. « Vous êtes d'excellentes gens, vous et votre femme, » disait-il souvent à Mr. Vanstone. « Je respecte sincèrement les préjugés qui vous ont fait prendre en faveur ces grands garçons de mon cru. Mais quelle erreur est la vôtre, bon Dieu, et que vous vous aveuglez. Je n'entends vous contrarier en aucune façon. » Je suis tout à fait impartial en ces matières. Mais notez bien ceci, Vanstone, ils tourneront mal tous les trois, quoi que vous ayez pu faire en leur faveur. » Plus tard, lorsque Frank eut atteint 17 ans, le singulier jeu des relations établies entre les deux voisins comme père et comme ami, aboutit à un résultat qui en fit encore ressortir l'absurde contraste. Un ingénieur civil du nord de l'Angleterre, qui avait quelques obligations à Mr. Vanstone, se montra disposé à prendre Frank sous sa direction, et ce, aux conditions les moins onéreuses. Quand cette proposition arriva, Mr. Clare commença d'abord, selon son usage, par laisser sur les épaules de Mr. Vanstone le fardeau de la responsabilité qu'il aurait dû prendre, puis il tâcha de modérer l'enthousiasme paternel de son voisin en traitant la chose comme un spectateur désintéressé. « Voilà pour Frank la plus belle chance qu'il lui puisse survenir !» s'écria Mr. Vanstone dans tout le feu de sa joie. « Mon bon ami, ce garçon n'y mordra pas !» répliqua Mr. Clare, avec le calme glacial d'un homme parfaitement désintéressé dans la question. « Il faut qu'il y morde !» insista Mr. Vanstone. Autant vous dire qu'il le faut mathématicien, ajouta Mr. Clare. Autant vous dire qu'il sera industrieux, ambitieux, doué d'une volonté ferme. Bah, vous ne le voyez pas, comme moi, d'un œil impartial. Pas de faculté mathématique, pas d'industrie, pas d'ambition, pas de volonté. Frank est un composé de négations, c'est moi qui vous le dis. Au diable, vos négations, cria Mr. Vanstone. « Vos négations et vos affirmations, j'en fais absolument le même cas, savez-vous » ?»« Frank courra cette brillante chance, et je gage ce que vous voudrez qu'il en tire bon parti. »« Je ne suis pas assez riche pour parier habituellement, » répondit Mr. Clare. « Mais je crois qu'en fouillant la maison, j'y trouverai bien ça et là quelques guinées. Et cette guinée, je vous la paye, si Frank ne nous est pas rendu, d'ici à peu de temps, comme un shilling de mauvais aloi. » »« C'est tenu. » dit Mr. Vanstone. « Mais non, attendez. Je ne fais pas au caractère de ce garçon l'injure de parier pour lui à chiffre égal. Je gage 5 contre 1 que Frank, en cette affaire, tournera les atouts. Vous devriez avoir honte de parler comme vous faites. Je n'ai pas la prétention de savoir où vous voulez en venir par ces étranges propos. Mais vous finissez toujours par me constituer le défenseur de Frank, comme si j'étais son père et non vous. Ah oui ? Prenez votre temps et vous vous défendrez. Je ne vous donne pas une minute et me soucie fort peu de vos laborieuses plaidoiries. Selon vous, le blanc est noir. Peu m'importe, en vérité. Le noir reste noir malgré vous. Bavardez tant qu'il vous plaira. Je vais, moi, par le courrier du jour, accepter pour le compte de Frank les propositions de mon ami. Telles furent les circonstances dans lesquelles Mr. Francis Clare, âgé de 17 ans, partit pour le nord de l'Angleterre et débuta dans la carrière des ingénieurs civils. De temps à autre, l'ami de Mr. Vanstone lui faisait passer quelques renseignements sur l'élève dont il prenait soin. Il appréciait chez Frank les qualités intéressantes d'un jeune homme doué et bien élevé. Mais il signalait en même temps la lenteur de ses progrès dans les premiers éléments des sciences qu'un ingénieur doit approfondir. D'autres lettres, écrites à une date subséquente, peignirent Frank comme trop disposé au découragement. Par ce motif, on l'avait envoyé sur les ateliers d'un nouveau chemin de fer, afin de voir si un changement de lieu et d'ouvrage le ranimerait. Il s'était en effet bien trouvé de cette épreuve, sauf peut-être en ce qui concernait ses études professionnelles qui continuaient à n'avancer guère. Des communications ultérieures annoncèrent son départ pour la Belgique, où il allait, sous la surveillance d'un contremaître parfaitement sûr, s'occuper de quelques travaux publics. Ces lettres indiquèrent ensuite le profit général qu'il semblait tirer de ce changement de situation. Elles faisaient valoir ses excellentes façons, ses manières liantes, qui étaient d'un grand secours en facilitant les relations d'affaires établies avec des étrangers. Mais sur l'importante question des progrès que Frank aurait dû faire dans les connaissances relatives à son art, elles gardaient un silence de mauvais augure. Ces renseignements, et bien d'autres analogues, furent tous consciencieusement soumis par l'ami de Frank au père de Frank. Chaque fois, Mr. Clare triomphait de Mr. Vanstone, et Mr. Vanstone se fâchait contre Mr. Clare. « Le jour viendra où vous regretterez d'avoir fait ce pari, » disait le philosophe cynique. « Le jour viendra, au contraire, où j'aurai le plaisir intime d'empocher votre guinée, » criait son ami, toujours plein d'espérance. 2 années s'étaient écoulées depuis le départ de Frank. Au bout de l'année suivante, les résultats furent acquis et la question décidée. 2 jours après que Mr. Vanstone fut revenu de Londres, il se vit forcé de quitter son déjeuner avant d'avoir eu le temps de regarder ses lettres apportées par le courrier du matin. Les jetant paquets au fond d'une des poches de sa veste de chasse, il les en retira plus tard d'une seule poignée pour les lire dès qu'il en eut le loisir. Cette poignée comprit toute la correspondance du jour, à une exception près, laquelle était un rapport final de l'ingénieur civil, notifiant la rupture de ses relations avec son élève et le retour immédiat de Franck dans le domicile paternel. Tandis que cette importance nouvelle demeurait ignorée au fond de la poche de Mr. Vanstone, le jeune homme qu'elle concernait, lancé à toute vitesse sur les chemins de fer, voyageait pour rentrer chez lui. À 10h30 du soir, tandis que, plongé dans les douceurs d'une solitude studieuse, Mr. Clare savourait à la fois sa lecture et son thé vert, en compagnie du chat noir qu'il avait adopté pour favori, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir, la porte s'ouvrit et Franck apparut devant lui. Des hommes ordinaires eussent été surpris, mais le calme d'un stoïcien ne pouvait être ébranlé par une bagatelle comme le retour inattendu de son fils aîné. Si, au lieu de s'être absenté pendant 3 ans, Franck n'eût été dehors que 3 minutes, Mr. Clare n'aurait pas quitté d'un regard plus tranquille le volume dans la lecture duquel il était plongé. « Juste ce que j'avais prédit, » s'écria le philosophe. « Ne me troublez point par d'inutiles explications et ne faites pas peur au chat. S'il y a quelque chose à manger dans la cuisine, prenez-le et allez vous coucher. Vous pourrez demain faire votre visite à Combraven et porter de ma part ce message à Mr. Vanstone. Recevez, monsieur, les compliments de mon père. Ainsi qu'il l'avait toujours annoncé, on me restitue à vous comme un shilling de mauvais aloi. Il garde donc sa guinée et attend vos 5, avec l'espoir qu'une autre fois vous apprécierez mieux la valeur de ce qu'il dit. Chargez-vous de l'ambassade. Fermez la porte derrière vous. Bonne nuit. » Sous ces auspices peu favorables, Mr. Francis Clare apparaissait le lendemain, comme nous l'avons vu, dans le parterre de Combraven, et quelque peu inquiet de l'accueil qu'il y pouvait attendre, il se rapprochait lentement de la maison. Rien d'étonnant à ce que Magdalen ne l'eût pas d'abord reconnu. Il était parti avec toute la gaucherie, tous les deux hors embarrassés d'un garçon de 17 ans. Il revenait jeune homme, dans toute l'assurance de la 20e année. Sa taille, alors un peu grêle, avait acquis la grâce et la force qui lui manquaient. Il était maintenant d'une stature moyenne. Les traits fins et réguliers que sa mère, supposait-on, lui avait légués, s'étaient arrondis et garnis, pour ainsi dire, sans avoir perdu leur remarquable délicatesse. Sa barbe naissait à peine, et une ombre de moustache se frayait modestement un chemin au bord supérieur de ses lèvres. Ses yeux bruns, exprimant la douceur et l'hésitation, eussent mieux convenu à une femme. Il manquait de cette fermeté, de cette ardeur, qui les eussent assortis à un mâle visage. Ses mains, hésitantes comme ses yeux, changeaient constamment de geste, constamment tournaient et retournaient tout ce qu'elles pouvaient trouver à leur portée. Il était, sans contredit, beau, gracieux, bien élevé. Mais aucun observateur subtil ne l'eût pu regarder sans soupçonner que l'énergique sève de l'antique famille s'était peu à peu épuisée en se transmettant à la génération nouvelle, et que Mr. Francis Clare perpétuait l'ombre de ses ancêtres, non, leur substance virile et forte. Lorsque l'étonnement causé par son apparition se fut peu à peu calmé, une enquête eut lieu pour retrouver la lettre égarée. En fouillant les profondeurs les plus intimes des vastes poches de Mr. Vanstone, on ramena au jour ce précieux document dont il prit connaissance tout aussitôt. Les faits exposés par l'ingénieur, dans leur simplicité la plus nue, pouvaient se résumer ainsi. Franck ne possédait point les talents suffisants pour le mettre en état de fournir sa nouvelle carrière. Il était donc inutile de lui faire perdre son temps, en lui conservant un emploi pour lequel il n'avait aucune vocation. 3 ans d'épreuves ayant amené de part et d'autre cette conviction bien établie, le maître avait pensé que le plus court était de renvoyer l'élève chez lui, et de s'expliquer sans réserve, soit vis-à-vis du père, soit au regard des amis. Dans un autre métier pour lequel il se sentirait plus capable et qu'il prendrait plus à cœur, le jeune homme montrerait sans doute plus d'industrie et de persévérance que son découragement ne lui avait permis d'en déployer dans la profession qu'il venait d'abandonner. Ses qualités personnelles l'avaient fait goûter de toutes ses connaissances et sa prospérité future était le vœu cordial des nombreux amis qu'il s'était fait dans le Nord. Le rapport que nous analysons n'en disait ni plus ni moins. Bien des gens eussent trouvé que l'ingénieur avait trop soigneusement rédigé son exposé de faits, et le soupçonnant d'avoir tiré d'une mauvaise cause le meilleur parti possible, eussent conçu des doutes sérieux au sujet de l'avenir de Frank. Mr. Vanstone, lui, était de nature trop optimiste, et en même temps trop désireux de ne pas reculer d'une semelle en face de son vieil adversaire, pour interpréter la lettre dans un sens aussi peu favorable. Était-ce donc la faute de Frank s'il n'avait pas en lui cette étoffe particulière dont ont fait les ingénieurs? D'autres jeunes gens avant lui n'avaient-ils pas débuté par une fausse marche, et combien, commençant ainsi, avaient pris ensuite le dessus, avaient accompli des merveilles? Tandis qu'il commentait de cette façon la lettre de son ami l'ingénieur, le chaleureux et bienveillant gentleman passait la main, à petits coups, sur l'épaule de Frank. « Courage, garçon, » disait Mr. Vanstone. « Nous prendrons quelques jours notre revanche vis-à-vis de votre père, bien que cette fois il ait gagné son pari. » L'exemple ainsi donné par le maître de la maison fut immédiatement suivi par toute la famille, à la seule exception de Nora, dont le formalisme et la réserve incurable se traduisaient, sans trop de grâce, par une froideur marquée à l'égard du jeune visiteur. Les autres, Magdalène en tête, qui autant jadis était la camarade favorite de l'ami Frank, rentrèrent, sans le moindre effort, dans les habitudes faciles de leur ancienne intimité. Tous l'appelèrent Frank, sauf Nora, qui persistait à le qualifier de Monsieur Clare. Elle ne s'égaya même pas, dans son imperturbable gravité, lorsque, reprenant courage, il rendit compte de l'accueil que son père lui avait fait la veille au soir. Assise et détournant obstinément son beau visage brun, les yeux baissés, les joues plus animées que de coutume, elle l'écoutait impassible. Tous les autres, Miss Garth comprise, trouvèrent irrésistible la harangue de bienvenue adressée par Mr. Clare à son fils. Le bruit et les éclats de rire étaient à leur plus haut point, lorsqu'un domestique entra et rappela toute la société au silence, en annonçant que des visiteurs venaient d'entrer dans le salon. Mr. Marrable, Mrs. Marrable et Miss Marrable d'Evergreen Lodge, Clifton. Nora quitta sa chaise avec empressement, comme si les nouveaux venus lui apportaient une espèce de soulagement moral. Mrs. Vanstone fut ensuite la première à se lever. Elles prirent les devants, toutes deux, pour recevoir leurs hôtes. Magdalene, qui préférait la société de son père et de Frank, demandait en grâce qu'on la dispensât de paraître. Mais Miss Garth, après lui avoir accordé 5 minutes de grâce, la prit sous son escorte et lui fit quitter la salle à manger. Frank se leva pour partir. « Non, non, » dit Mr. Vanstone, le retenant, « ne vous en allez pas encore. Ces gens-là ne resteront pas longtemps. Mr. Marrable est un négociant de Bristol. Nous nous sommes rencontrés une ou deux fois, lorsque ces petites filles m'obligeaient de les mener à Clifton pour quelques parties de plaisir. » « Simple connaissance, pas autre chose. Venez fumer un cigare dans la serre. Au diable, les visiteurs. Ils vous mangent la vie sur le dos. Au dernier moment, je m'exhiberai avec force belle excuse, et en vous montrant de loin, vous attesterez que j'étais réellement en affaire. » Après avoir préparé tout bas cet ingénieux stratagème, Mr. Vanstone prit le bras de Frank et, par les derrière, lui fit faire le tour de la maison. Les premières 10 minutes de leur retraite dans la serre n'amenèrent aucune espèce d'événement. Ce temps écoulé, les deux gentlemen virent passer comme l'éclair, derrière les carreaux, une apparition rapide, aux vives couleurs. La porte fut poussée avec force, les pots à fleurs tombèrent comme la grêle, rendant hommage aux jupes qui les balayaient, et la fille cadette de Mr. Vanstone vint se jeter dans ses bras à toute course, avec les dehors d'une personne que sa raison vient d'abandonner. « Père, le rêve de toute ma vie est réalisé, » dit la jeune folle, aussitôt qu'elle put parler. « Si quelqu'un ne me retient pas, je vais m'envoler par le toit de la serre. Les Marrable sont arrivés avec une invitation. Devinez, petit père, devinez ce qui va se donner à Evergreen Lodge. » « Un bal, » dit Mr. Vanstone, sans hésiter un instant. « Une comédie de société, » cria Magdalene, dont la jeune voix vibrante emplit la serre comme eût fait un son de cloche. Et comme, dans son extase, elle levait les mains en l'air, la rondeur de ses bras blancs apparut jusqu'au point où 2 jolies fossettes marquaient la place de ses coudes. « On joue les rivaux, petit père, les rivaux du fameux je ne sais qui, et l'on me demande de jouer. Rien au monde que je désire à ce point, et tout dépend de vous. Maman secoue la tête, Miss Garth a des regards de lionne, et Nora boude, comme à l'ordinaire, mais si vous dites oui, toutes trois seront bien forcées de quitter la partie et de me laisser faire à ma guise. « Dites oui, » insista-t-elle, se nichant avec une irrésistible câlinerie tout contre son père, et de ses lèvres effleurant l'oreille où elle murmurait ses douces instances. « Dites oui, et je serai la plus sage des filles durant tout le reste de mes jours. »« Vous, sage ?» répéta Mr. Vanstone. « C'est folalier que vous voulez dire. Au diable ces gens, au diable leur comédie. Je vais rentrer, cependant, et voir un peu de quoi il s'agit. »« Vous n'avez pas besoin de jeter votre cigare, Frank. L'affaire ne vous regarde pas, vous pouvez rester ici. »« Vraiment non, » dit Magdalene. « L'affaire le regarde autant que moi. » Mr. Francis Clare était jusqu'ici demeuré modestement sur l'arrière-plan. Il fit alors un pas en avant, et une surprise muette se peignit sur son visage. « Oui, » continua Magdalene, répondant avec un calme parfait à son regard interrogateur. « Vous faites partie de la troupe. Miss Marable et moi, nous sommes les organisatrices. En 5 minutes, tout a été réglé. Il restait 2 rôles disponibles. L'un est Lucie, la femme de chambre, et c'est moi qui le joue, avec la permission de papa, » continua-t-elle, pinçant à la dérobée le bras de son père. « Et il la donnera, n'est-ce pas, petit père ? D'abord parce qu'il est un amour. » En second lieu, parce que je l'aime et qu'il m'aime. Troisièmement, parce qu'il n'est jamais entre nous, dites un peu le contraire, la moindre discordance de volonté. Quatrièmement, parce que je lui donne un baiser, ce qui lui ferme la bouche et tranche tout naturellement la question. Mais je me perds, bon Dieu, je me perds. Où en étais-je donc tout à l'heure? Ah oui, j'expliquais moi-même à Frank. Pardon, pardon, dit Frank, qui voyait le moment venu de protester. Le second rôle de la pièce, continue Madeleine, sans prendre garde le moins du monde à cette protestation avortée. C'est Falkland, un amoureux jaloux qui fait les plus belles phrases du monde. Nous avons, Miss Marable et moi, pendant que les autres causaient, discuté ensemble ce caractère de Falkland, assis sur le banc de la fenêtre. Délicieux enfant, si vive, si sensible, si absolument dépourvue de prétentions, elle me faisait ses confidences. Un de nos malheurs, me disait-elle, c'est de ne pouvoir trouver un gentleman capable de lutter contre les odieuses difficultés du rôle de Falkland. Il va sans dire que je la consolais et je lui disais « J'ai votre gentleman ». Il luttera immédiatement. Grand Dieu, quel est-il? Monsieur Francis Clare. Où est-il? Chez nous, tout précisément. Seriez-vous assez aimable, Miss Vanstone, pour me l'amener? Je vous l'amènerai, Miss Marable, avec le plus grand plaisir. Là-dessus, j'ai quitté le banc de la fenêtre, j'ai couru dans le petit salon, j'ai flairé les cigares, j'ai suivi la piste et me voici. « Il est très flatteur, je le sais, d'être ainsi enroulé, » reprit Frank, dont l'embarras était grand. « J'espère néanmoins que Miss Marable et vous serez assez bonne pour me dispenser. N'y comptez pas. Miss Marable et moi, nous sommes remarquables par notre fermeté de caractère. Quand nous avons assigné à monsieur tel ou tel, bien positivement, le rôle de Falkland, nous entendons bien positivement qu'il jouera ce rôle. Venez donc, qu'on vous présente. Mais je ne me suis jamais essayé comme acteur. Je ne sais comment m'y prendre. Rien de moins essentiel. Si vous ne savez comment vous y prendre, venez me trouver. Je vous donnerai des leçons. Vous ? S'écria Mr. Vanstone. « Et où en avez-vous pris, s'il vous plaît ?»« Soyons sérieux, petit père, je vous en prie. J'ai en moi la plus ferme conviction que je pourrais jouer tous les rôles de la pièce, Falkland y compris. Ne me forcez pas à me répéter, Frank, venez et qu'on vous présente. » Prenant à ces mots le bras de son père, elle l'entraîna vers la porte de la serre chaude. À chaque pas, elle se retournait, regardant par-dessus son épaule pour voir si Frank la suivait. Ce ne fut que l'affaire d'un moment, mais dans ce moment-là, sa ferme volonté groupait, massait toutes ses ressources, puisait une force additionnelle dans l'ascendant de sa beauté, s'imposait enfin et l'emporta. Elle était charmante, il faut le dire, avec ce tendre incarnat épandu sur ses joues, le radieux plaisir qui étincelait dans ses regards, et dans cette gracieuse attitude qui faisait valoir les ondulations serpentines de sa taille souple, les riches contours de son buste, toutes les séductions, enfin, de sa nature élégante. Allons, continua-t-elle avec un signe de tête empreint d'une coquetterie indicible. Allons, Frank, on nous attend. Bien des hommes de 40 ans n'auraient pu lui résister en ce moment. Franck n'en avait que 20, à peine révolu, ce qui revient à dire qu'il jeta son cigare et la suivit hors de la serre. Comme il se retournait pour fermer la porte, ce qui lui fit perdre de vue l'irrésistible enchanteresse, il sentit revivre en lui sa répugnance à faire partie d'une troupe de comédiens amateurs. Au pied du perron, il fit halte de nouveau. Cueillit je ne sais quelle fleur que le hasard mettait dans le voisinage de ses doigts distraits, la broya, la pétrit dans sa main, et fort mal à l'aise avec lui-même, se mit à regarder de tous côtés. Le sentier de gauche conduisait au cottage paternel. Pourquoi ne prendrait-il pas le sentier de gauche? Pendant qu'il hésitait encore, M. Vanstone et sa fille étaient arrivés en haut du perron. Une fois encore, Magdalene regarda par-dessus son épaule, déployant ainsi sa beauté splendide, son sourire vainqueur. Elle lui fit signe comme devant, et comme devant, il la suivit. Jusqu'à la dernière marche, jusque par-delà le seuil, la porte se referma sur eux. Ce fut ainsi, par un simple geste d'invitation d'une part, un simple acte de complaisance de l'autre, sans qu'il sût rien du secret encore caché qui avait déterminé le voyage à Londres, et sans qu'elle y donnât une seule réflexion, ce fut ainsi, dis-je, qu'ils s'engagèrent sur une voie au bout de laquelle était la découverte de ce secret. Maint détour les en séparait encore, bien autrement ténébreux qu'on aurait pu le penser.